Put your hands together one time. Bonjour à tous, chers amis, et bienvenue à une nouvelle émission d'Entrepod. Aujourd'hui, nouveauté, on va quitter la France, on change de continent. J'ai le grand plaisir de recevoir un ami à moi qui s'appelle Gabriel. Salut Gabriel. Salut. Comment ça va? Ça va bien, et toi? Ça va très bien, je suis content de te recevoir aujourd'hui. Ouais, c'est un plaisir pour moi de passer cette émission avec toi et on peut essayer de parler de mon pays, le Togo, voilà, d'où je viens. Et donc, la première chose à faire, ça va être de resituer. Alors, le Togo, ça se trouve où exactement en Afrique? Le Togo, c'est un petit pays qui se situe à l'ouest de l'Afrique, qui fait frontière avec le Ghana, le Bénin, et puis l'ancienne Haute Volta qui s'appelle aujourd'hui Burkina Faso. Ok. Et alors, est-ce que ça donne sur la mer ou Bien sûr, ça donne sur la mer. On a l'océan Atlantique qui est sur tout le côté sud du Togo. Ouais. Donc, c'est un pays côtier. Et toi, tu viens de où? Je pourrais dire que je viens du sud du Togo. Ouais. Mais ça ne m'empêche pas d'être toujours togolais entier. J'ai fait pas mal d'endroits chez moi et j'ai été un peu partout dans le nord parce que mon pays il était un peu, je sais pas comment le dire, un douanier. Donc chaque 2 ans, il était affecté dans une autre région. Donc ça m'a permis de... Ton père? Mon père, donc de connaître un peu mon pays parce que le Togo, comme je le disais, c'est un petit pays, c'est un pays tropical et il fait chaud. Mais le climat n'est pas mal non plus, il fait beau et... On a plusieurs saisons, on a l'été, on a la mousson l'été, on a les saisons de pluie. Et... Mais alors on va dire, il fait combien de degrés? Quand il fait chaud, je pourrais dire au-delà de... Ça peut aller jusqu'à 40, je ne sais plus. Ça fait, ouais, oh là là. Ça, 40 ou bien 38, ça dépend. Et, ouais. Et, ça, c'est le plus chaud. Oui, c'est le plus chaud. Mais il n'y a pas vraiment de saison, il fait très froid. On a une saison qui, comment on le dit, chez moi, on le dit, c'est la moisson. La moisson, ça commence en novembre jusqu'en fin mars, avril, où il y a un climat où il fait un peu froid. C'est-à-dire, en fait, froid, tu dis. Il fait un peu froid, mais c'est pas l'hiver. Ok, c'est bien. Et alors, tu disais, il y a la mer qui est là. Oui, il y a la mer qui fait tout la bordure, qui fait tout le sud du Togo. Ouais. Donc, je disais, on a le Ghana à l'ouest, on a le Bénin à l'est du Togo, puis on a le Burkina au nord. Donc le sud, c'est le golfe du Guinée, c'est comme ça qu'on l'appelle, qui est tout l'océan Atlantique. Et alors, c'est un pays qui a quand même une certaine particularité, qui est tout en longueur comme ça. Oui, tout en longueur. Ouais. Donc quand on va plus vers le nord, si on parle donc de l'océan. Oui, de l'océan. Ouais. Qu'est-ce qu'on rencontre en fait? C'est plutôt assez montagneux ou bien... Pas tellement, mais il y a des régions où c'est un peu montagneux. Par exemple, il y a Palimé, il y a Atapame, et qui sont un peu plus, pas au sud, mais un peu au centre du Togo, où il y a pas mal de montagnes. Mais c'est pas très haut non plus, c'est maximum quoi? Maximum 1000 mètres peut-être, non? Ah, écoute, j'ai pas été très bon à l'école en géographie, mais. Ouais, mais je pourrais dire, même 1000 mètres, je sais plus trop. Quelles sont les ressources principales du pays? Le Togo, on a du phosphate. Les mines de phosphate. Les mines de phosphate. Le Togo vit de son agriculture, la pêche, l'élevage et le commerce. Étant un pays situé sur l'Atlantique, on a un port qui sert de carrefour pour les pays enclavés comme le Mali, le Burkina Faso. J'ai lu que c'était un port important. C'est un port important. Il se trouve qu'il est Lomé. Oui, qui est Lomé, le port de Lomé. Où moi je travaillais avant pour me déclarer en douane. Ah ouais? C'est un peu comme ton père alors. Après, comment on fait? Et donc, je pourrais dire le poumon de l'économie au togolais, je crois, c'est le phosphate, le port de Lomé et les activités qu'on fait à l'agriculture. Et voilà. Du cacao. Cacao, ouais, du café, j'ai oublié. Et alors là, on parle du cacao, du café. Quelles sont les spécialités culinaires, la gastronomie là-bas, à quoi on peut s'attendre Ah oui. Est-ce qu'il y a vraiment une grande spécialité togolaise ou Ah oui, comme tout pays africain, on a un plat de base où je pourrais dire, c'est partout en Afrique, et qui, chez moi ça s'appelle la koumé. Koumé. La koumé, c'est un peu la farine, la polenta. Ah ouais, ouais. Un ouais. peu à l'africaine, les Congolais ils l'appellent foufou, et on a plusieurs, je peux dire, une diversité de plats, et on a plein de légumes, ouais. On a le poisson. Poisson, j'imagine, ouais. Et donc, c'est toute une diversité. Ok. Ouais, ça dépend de ce que t'aimes. Ah bah, s'il y en a pour tous les goûts. Je ne suis pas bon cuisinier, mais... Ça va. Ça va. Il y a des plats avec des sauces à l'épinard et épicées ou non épicées, ça dépend. Mais moi, je suis épicé. Tu préfères les plats épicés ? Oui, je préfère épicé parce que c'est un climat chaud. Il fait chaud avec la chaleur. Et moi, je préfère épicé parce que ça, après, je sue et je suis plus à l'aise. Ah ouais, ok. Ah, moi, je ne suis pas d'une région. Je dis comme je suis de Belgique, on ne mange pas très épicé. Je ne suis pas habitué. Ouais. Et alors aussi, j'imagine, donc, ce qui est important au niveau de la culture, danse, les chants. Ouais, comme tout pays africain, et j'entends des gens qui disent l'Afrique, c'est là où il y a des millions de rythmes, tu vois, ils jouent au tam-tam, ils dansent, ils font tout. C'est vrai, en Afrique, c'est vrai, il y a plein de diversité de culture. Quand on parle de culture, ça englobe beaucoup de choses. Ouais. En Afrique, par exemple, pour les fêtes, les célébrations comme les... Quand il y a un deuil, quand il y a une naissance, quand il y a un mariage, quand il y a un truc, il y a toujours une présence de réjouissance. Ok. Ouais, ou, même quand c'est pénible, un événement pénible. Ouais, mais quand c'est un décès, c'est pénible. Parce que, tu sais, en Afrique, on dit souvent que c'est un passage. C'est un passage sur terre, tu vois. Rien n'est pour toi et tout ce que tu trouves, tout ce que tu as, et tu l'as trouvé sur terre et tu partiras, tu le laisseras, même si c'est. C'est un peu difficile pour toi à réaliser quand tu vas pouvoir quitter tes millions, tes limousines. Et... donc en Afrique, il y a toujours une réjouissance pour une naissance, comme un décès. Par exemple, pour un décès, il y a un moment où les gens ils pleurent, en mémoire du défunt. Mais après, c'est pas comme une fête, mais c'est parce qu'on dit on va pas le laisser partir triste, parce qu'il est mort, on est triste, mais on va pas l'envoyer triste. On a pleuré, et c'est qu'on l'aime. Maintenant, faisons un peu une fête en mémoire de lui, mais c'est pas une fête en tant que telle, mais... Il était là, il a fait la même chose pour les autres. Donc, il y a du tam-tam, il y a des chants, et il y a des femmes qui chantent. Mais c'est des musiques, c'est pas des musiques qui sont aussi gaies, mais voilà, entre les deux, c'est des chansons qui te rappellent que demain, ça pourrait être ton tour. Et vis et honnêtement ta vie et profites-en de tout ce que tu as autour de toi. Et... avec amour, sincérité, n'aie pas peur parce que tout, c'est un passage et c'est pareil pour un mariage. Là, c'est plus gay. C'est plus gay. L'Afrique s'exprimait par ces genres de trucs parce que moi, je suis pas aussi vieux. Avant mes ancêtres, mon grand-père me disait que la communication pour communiquer, c'était des fois avec des tam-tams. Et chaque mélodie a une signification et les rythmes, ça signifie quelque chose. C'est ce qui fait la présence, ce qui fait plutôt que t'es là. Tu sais que ça, c'est... Comme par exemple moi au Togo, ce que j'ai vu au Togo, ce qui me faisait aussi du bien, c'est que malgré tout, ce que l'Afrique a aujourd'hui, comme on pourrait dire, les gens disent l'Afrique c'est le continent le plus pauvre du monde, et c'est là où il y a les pays sous-développés. Et en même temps, on a quelque chose. L'Africain, il pense pas trop à ça, mais du coup, il pense à ça. Mais on a quand même du temps pour s'amuser aussi un peu. Du coup, on a un peu du temps pour s'amuser. Et donc, chez moi, par exemple, plus tu montes au centre, plus tu vas au centre, plus au nord, tu vois, c'est pas la même chose, tu vois, c'est toujours... traditionnel, mais c'est, tu vois, ça diffère un peu. C'est ce qui fait la richesse de la culture togolaise. Donc, ouais. Par contre, le français, c'est la langue officielle. Tout le monde parle français. Ah, au Togo, on a été colonisé par les Allemands. Les Allemands étaient là de 1884 jusqu'en 1914. Et puis après la guerre mondiale, 1914, les Français et les Anglais étaient là et ils ont fousté les Allemands et puis les. Puis au Togo, avant, moi je voyais mes grands-parents parler un peu allemand, mais maintenant c'est plus français. Par contre, ça parle anglais aussi, parce qu'on a des écoles, on a des lycées, on a des universités, tu vois. Et dans tout pays, l'éducation, c'est la clé du monde. Ouais. Les pays voisins, ils parlent anglais aussi. Le Bénin, il parle français. Ghana, il parle anglais, parce que... le Ghana, c'était les Anglais. Et au Burkina Faso, c'était aussi les Français. Comme ici en Chine, on a des dialectes. Je prends toujours l'exemple de la Chine, parce que je vis aujourd'hui en Chine. Et plus tu fais 2 km ou 20 km, 50 km, c'est une région qui parle un peu le même dialecte que toi, mais qui diffère un peu. Plus tu vas un peu plus au nord, c'est un peu plus au sud, c'est encore un peu plus différent. Puis après, c'est totalement différent. C'est comme le Togo et le Ghana. Et à l'époque, c'était des royautés, tu vois, c'était des royaumes. Puis après, il y a eu la colonisation, il y a eu tout ça. Puis après, les pays sont devenus des colonies françaises, anglaises, et puis italiennes, allemandes, je sais plus trop. Ouais. Le Togo, par exemple, qui fait frontière avec le Bénin et puis le Ghana, on a un dialecte qui est similaire au Togo et au Ghana et puis au Bénin. Ok. Ouais. D'accord. Parce qu'il y a que les frontières qui nous séparent aussi un peu. On a des cousins un peu au Bénin, un peu au Ghana et ainsi de suite. Ils ont des cousins au Togo et on a nos passeports qui te fait togolais, qui te fait béninois, qui ouais, te voilà. fait burkinabé. Mais à part ça, moi je pense l'Afrique, au fait, l'Afrique est unique. L'Afrique est toujours unique parce que c'est comme ça que moi je le pense. Et quand on le prend comme ça, et je crois que c'est bien pour notre Afrique à nous. Comme ça, on aura un intérêt commun pour l'Afrique. Ouais. Pas juste parce qu'on a un passeport aujourd'hui. On a des frontières où on se dit je suis togolais et je suis béninois. Non, chez moi, c'est différent. Non, nous, on est comme ça. Blablabla, je m'en fous. Je suis africain. Merci beaucoup. Mm. C'est vraiment très intéressant. Mm. Donc maintenant, si vous avez une question concernant cette émission, si vous voulez en savoir plus, n'hésitez pas à venir laisser vos commentaires sur la page de discussion. Merci beaucoup, Gabriel. Merci d'être venu. Ouais, merci à toi aussi. C'est un plaisir pour moi de parler de mon pays. Pas que de mon pays, mais de l'Afrique. Ouais. Excellent. À bientôt. À bientôt. Passe une bonne journée. Bonne journée à tous. Salut.